الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل في كتاب أصول دعوة السلفية لفضيلة الشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة. Alors nous continuons dans le livre Les fondements de la da'watu salafiyya. Les fondements de la da'watu salafiyya du Cheikh عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم كلا لفاس ميزيريكور. Alors ici nous avons déjà vu le premier fondement qui va me rappeler le premier fondement نعم الآن. Le premier fondement, Naam Abdullah. Naam Al-Ihtimamu wa la'inayatu bi talabi al-ilmi al-shar'i wa tafaqquhi fi al-din. Donner de l'importance à la recherche de la science, de la législation, et chercher la compréhension dans la religion. Voici le premier fondement de la da'wah salafiyya. C'est-à-dire, cette da'wah est basée sur le ilm. Toyib, cette da'wah est basée sur la science. Alors, tout salafi qui désire faire la da'wah salafiyya, il doit impérativement accorder de l'importance à la science. Et à chercher la compréhension dans la religion. Alors, quel est le deuxième fondement que nous avons vu? Le deuxième fondement. Nam, Adam, on a vu le deuxième fondement. Ce n'est pas à jour. On a vu le deuxième fondement. Nam, Abou Abdurrahman. Comme science, al-hirsu ala tatbiq al-amali de l'islam. Faire l'effort d'appliquer l'islam, c'est-à-dire la science. Voyez. Alors aujourd'hui, nous allons voir le troisième fondement. Le troisième fondement de la da'wah salafiyya, de la prédication salafi. الأصل الثالث الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. Le troisième fondement, appeler à Allah se basant sur la science. Voyez pourquoi le Cheikh il a mis cela comme troisième fondement. Parce que la dawa, la seule dawa qui reflète l'appel avec science, clairvoyance, c'est la dawa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est la dawa tout salafiyya. Et nous allons voir cela, biznillah, ici. Donc ici, le Cheikh Abdul Salam, il dit, « Ida manna Allah subhanahu wa ta'ala ala al-muslim bil-ilmi wal-amal, si Allah accorde la grâce, ou Allah fait grâce aux musulmans, lui accorde la science et la mise en pratique, فَعَلَيْهِ أَنْ يُبَادِرَ إِلَىٰ إِصَالِ هَذَا الْخَيْرِ. Il doit se précipiter à faire parvenir ce bien d'innance aux gens. أَنْ تَرِكِ دَعْوَتِهِمْ. Par la voie de leur appel, c'est-à-dire en les appelant, وَنُصْئِهِمْ. Les conseillants, وَإِرْشَادِهِمْ. Et les dirigeants. فَإِنَّ هَذَا وَعَمَلُ الْأَنْبِيَاءِ. Car cela et le travail des prophètes, alayhim salam. Yaqulu Allah ta'ala an-nabiyyih, Allah dit au sujet de son prophète, qul hadhihi sabili, Muhammad dit, voici ma voix, ad'u ila Allah, j'appelle à Allah, ala basiratin, me basant sur une clairvoyance, ana, moi, wa man ittaba'ani, et ceux qui me suivent. Wallah subhanahu wa ta'ala, Allah rafa manzilat ad-da'i ilayhi ala ghayrihi, a élevé celui qui appelle à lui sur les autres. Allah a élevé le da'i, le prédicateur, celui qui appelle à lui, celui qui appelle à son tawhid au-dessus des autres. Faqal, il dit, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنُ, qui est meilleur, قَوْلًا, en parole, مِمَّنْ دَعَى, que celui qui appelle à Allah, qui est meilleur que celui-là? Il n'y a pas. وَعَمِلَ صَالِحًا, il fait la bonne action. وَقَالَ, et dit, إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, je suis parmi les soumis. Donc ici, celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, il a un degré immense auprès d'Allah. أَمَّا أَنْ سَوَابِهِ وَأَجْرِهِ, quant à sa récompense et sa rétribution, فَوَا عَظِيمٌ لِعِظَمِ عَمَلِهِ, alors sa récompense est immense à cause de l'immensité de son action. فَإِنَّ الدَّعْيَةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى, car celui qui appelle à Allah, لَهُ مِثْلَ أَجْرَ مَنْ تَبِعَهُ فِي الْخَيْرِ, il aura l'équivalent de la récompense de celui qui l'a suivi dans le bien. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا, sans diminuer leur récompense. Alors cela vient dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, man da'a ila hudan, celui qui appelle à une guidance, kana lahu min al-ajri misla ujuri man tabi'a, il aura l'équivalent de la récompense de ceux qui l'ont suivi, la yanqusu min zalika min ujurihim shay'a, et cela ne diminuera rien dans leur récompense. Wa man da'a ila dalalatin, et celui qui appelle à un égarement, kana alayhi min al-ismi mitla asami man tabi'a, il aura l'équivalent du péché de ceux qui l'ont suivi, la yanqusu zalika min asamihim shay'a, et cela ne diminuera en rien leur péché. Tayyib, alors ici le cheikh Abdou Salam dit, wa mimma yanbaghi an yu'lam, alors ce qui convient de connaître huna ici, annahu la yushtaratu liman yakunu da'iyan ila Allah an yulimma bi jami'il ahkam ash-shar'iyyah. J'ai sauté. Wa qad ja'a fi hadith Ali, c'est venu dans le hadith de Ali, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, que le messager d'Allah il a dit, la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin nar, que Allah guide à travers toi une seule personne, c'est meilleur pour toi que les chamelles roux, qui sont les biens les plus précieux des arbres. Toyib, aujourd'hui, on dira, si Allah guide une personne par ta cause, c'est meilleur que toutes les belles voitures, c'est meilleur que toutes les belles maisons, car cette seule personne est ton plus grand bénéfice. Pourquoi? Car toutes les actions qu'il va faire, tu auras les récompenses. Et s'il a été la cause de guider certaines personnes, tu auras aussi leurs récompenses. Jusqu'à Yawm al-Qiyam. Alors la da'wa, c'est quelque chose qui est immense. Alors rentrer dans la da'wa, par la porte de la da'wa, la Bouddha yakuna min ikhlasi, ça doit être d'une sincérité. Sinon, tout ce qu'on vient de dire, bidouni ikhlas, la yuhsan, Sans sincérité, on ne pourra pas l'obtenir. Toyeb. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ali, la yahdi Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin nam. Hada mabniyun ala l'ikhlas. Que Allah guide une personne. Toyeb. À travers toi, c'est meilleur pour toi que les biens de la dunya. C'est basé sur la sincérité. Celui qui n'est pas sincère n'aura rien de cela. Alors il sera considéré comme ce dont Allah dit dans le Coran, « Amilatun nasiba ». Ils ont fait une action, des actions, alors « Dalla sa'yuhum fil hayati dunya ». Leurs efforts se sont égarés dans la dunya. Qu'Allah nous accorde la sincérité. Alors ici le hadith de Ali, ici, est rapporté par l'imam Bukhari. Toyeb. Et l'imam Muslim. Alors le cheikh Abdus Salam, il dit, « Wa mimma yambaghi an yu'lama huna. » Alors de ce qui est obligatoire de connaître, ou ce qui convient de connaître, « Annahu la yusharatu liman yakuna da'iyan ila Allah. » Ce n'est pas conditionné pour celui qui appelle à Allah, « An yulimma bi jami'il ahkam shar'iyya. » Yani « an yajma » qui rassemble tous les jugements de la charia pour dire, pour commencer la dawa. Là, ce n'est pas une condition. Voyez. Mais ce qui est obligatoire pour lui, ayakuna alima bima yad'u ilayh. Il doit connaître, il doit être savant sur ce dont il appelle les gens vers. Il doit connaître, masalan, s'il appelle le tawhid, qui est la base même de la dawa. Il doit connaître le tawhid. Il doit connaître le tawhid, il doit connaître son contraire. وَبِذِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَا. Il doit connaître le contraire du tawhid, afin d'appeler les gens au tawhid et les mettre en garde contre le shirk. Voyez. أَيْ الْقَدِيَّةُ الَّذِي يُبَلِّغُهَا إِلَى النَّاسِ. Alors, ce qu'il transmet aux gens, يجب عليه أن يكون عالما بهذا العلم الشرعي. Il doit connaître cette science de la législation. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم. C'est pour cela que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit: بلغوا عني ولو آية. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Voilà l'explication. إذا عرف المسلم آية. Si le musulman connaît un verset, wa fahima ma'naha, il a compris son sens, an tariq al ulama, par la voie des savants, wal mufassirin, et des savants du tafsir, alors il peut transmettre ce seul verset qu'il a appris. Now. Là, il est assadar. Pas le fait qu'il va se placer devant comme un da'i. Mais il peut parler aux gens qui sont à côté, à côté. La dawa se fait par plusieurs manières. Il y a d'autres qui se placent comme un prédicateur. Il y a d'autres, ils font la dawa à leur famille, à leur entourage, selon ce qu'ils connaissent. Mais se placer pour faire la dawa devant les gens, se mettre en avant pour faire la dawa, tu dois connaître la science que les prophètes ont transmis, qui est le tawhid. Voyez. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ou arafa hadithan, kadalika min ahadith rasulina. Ou bien il connaît un hadith parmi les propos de notre messager. Ou alima hukman min al ahkam al-shara'iyya. Ou bien connaît un jugement parmi les jugements de la législation. Kadalika an tariq al-ulama. De même, par la voix des savants. Ou en tariq mu'allafat ahl al-ilm, ou bien par la voie des livres de science, les livres des savants, alors ballaghahu li ghayrihi minan nas, il transmet à une autre personne parmi les gens. Walau lam yakun aliman, même s'il n'est pas savant bi ghayri zalika al-hukm, même s'il ne connaît pas autre que ce jugement qu'il connaît, mais il fait quoi? Il ne va pas se mettre devant les gens. Il faut connaître la différence entre les deux. Le chef n'a pas dit en yatasot dar les dar, de se mettre comme un imam, comme un prêcheur. Il dit ce que tu connais, tu transmets aux autres autour de toi. C'est le sens de la da'wa. Ceux qui sont autour de toi. Si tu connais un verset, tu connais le tafsir, tu viens, tu dis par exemple à ton ami, tu lui dis, ah, ou bien celui qui est autour de toi, tu lui dis, mais est-ce que tu sais pourquoi Allah nous a créés? Il te dit, oui, Allah nous a créés, c'est pour être à l'aise dans la dunya. Et puis aussi pour l'adorer. On fait pour lui, on fait pour nous. Tu lui dis non. Allah nous a créés seulement que pour son adoration. Dans Surat Zariyat, Allah dit Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et le chef Bounoubaz a dit ça. Tel savant a dit ça, tel savant a dit ça. Et tu te limites à ça. Tu lui as fait une da'wa sur le seul verset que tu as connu. Tayyib. Mais quand tu as venu te placer devant les gens comme un imam, comme un prédicateur, alors, il faut avoir une petite science, le minimum, pour pouvoir le faire. Ce n'est pas seulement un seul verset qui va te permettre de venir t'arrêter devant les gens pour parler. Comme les tablirs, ils font, ils se mettent dans la dame. Celui qui s'élève aujourd'hui, il devient tablir. Le lendemain, on le met devant les gens et on lui dit, il faut parler. Lui-même, il dit, Mada Akoul. Qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, Takallam, parle. Allah va t'inspirer. Hein? Allah va t'inspirer. Ah. Il a nazra alayhi l'wah. Il a nazra nabiya. Si la révélation est descendue sur lui, donc il est devenu un prophète. Il a chassé. Voyez? Lakin. Et puis maintenant, lorsqu'on lui dit, non, vous êtes ignorants, vous ne devez pas faire la da'wa, il dit, yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Balleru anni walau aya. Voilà le dalil. Toi, tu l'as dit. Alim ta aya. Tu as connu un verset. Tu connais le tafsir, ce que les savants ont dit. Toi, limite-toi à ça. Pourquoi tu te mets devant les gens et puis tu dis que tu es dans le travail des prophètes? Pourquoi tu te places devant les gens et puis tu dis que tu es dans le travail des prophètes? Parce que tous les tablis, ils disent qu'ils sont dans le travail des prophètes. Tayyib, hâte, il regarde même ceux qui ont étudié, ils disent non, mais ceux-là, c'est des massacres. Ils sont comme un fleuve. Si les gens ne vont pas pour aller prendre, ils n'auront pas. Mais nous sommes comme une rivière qui passe devant la porte des gens. Yumasiluna Fusahum de Anhar. Ils donnent l'exemple en eux-mêmes comme des rivières qui passent devant les portes des gens, c'est-à-dire eux profitent à tout le monde. Ils profitent aux gens avec quoi? Mazarin dak. Qu'est-ce que tu as? Aslam tal yawm wa sirta da'iyan ghadan. Tu t'es converti aujourd'hui, demain tu es devenu da'i. Hein? D'autres même, c'est les témoignages seulement ils font. J'ai été comme ça, j'ai fait ceci, j'ai violé, j'ai fait cela, aujourd'hui je me suis converti. Tu attends Allah. Qu'est-ce qu'il a dit de bon? Il a dévoilé son péché. Et la Soussoura, il dit, Allah ne pardonne pas le Mugahiru, ceux qui dévoilent leur péché. Donc, il faut comprendre ici la différence entre le fait de se placer devant les gens et le fait de se connaître seulement un verset et puis transmettre à ceux qui sont autour de toi. C'est de cela que le messager d'Allah Soussoura parle ici. Et si un seul verset pouvait rendre quelqu'un un da'i, il allait envoyer tous les compagnons pour aller faire la da'a. Mais pourquoi, lorsqu'il devait envoyer quelqu'un au Yémen, il a choisi le plus savant des halal wal haram parmi les compagnons, qui est Mouaz ibn Jabal? Pourquoi? Parce que la da'wa, se mettre en avant, pour aller appeler les gens, un peuple, des gens, il faut connaître, il faut avoir la science. N'est-ce pas? Et lui enseigner ensuite la méthode de la da'wa. Inna kata'ati qawman ahl al-kitab. فَلْيَكُمْ أَوَّلَ مَا تَدُعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَدَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Il a pris un savant, il lui a enseigné la méthode de la da'wa. N'est-ce pas? Alors nous avons la compréhension. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته. Le cheikh Abdurrahman Ibn Qasim, il dit dans son annotation du Kitab Tawhid, وَلَا بُدَّ لِلْدَعْوَةِ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَرْطَيْنِ. C'est impératif pour la dawa à Allah, deux conditions. أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَجْهِ اللَّهِ. Que la dawa soit sincère pour le visage d'Allah. وَأَنْ تَكُونَ وَفْقَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. Et ça doit être conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَأَنْ يَكُونَ دَعِيَّ عَارِفًا بِمَا يَدْعُ إِلَيْهِ. Le da'i doit connaître ce à quoi il appelle. فَإِنْ أَخَلَّ بِالْأَوَّلِ. Si il a délaissé le premier qui est le ikhlas, qui est le tawhid, كَانَ مُشْرِكًا. Il devient associateur. وَإِنْ أَخَلَّ بِالثَّانِي. Si il délaisse le deuxième, كَانَ مُبْتَدِعًا. Il devient innovateur. انتهى كلامه. كلام جميل. Hein? وانطلاقا من الشرط الثاني. Partant de la deuxième condition. الذي ذكره رحمه الله قلنا. Qui est quoi? Quelle est la deuxième condition de la dawa? أن يكون وفق سنة رسول الله. C'est-à-dire conformément à la sunna du messager d'Allah. Comment on fait la dawa? Matati wa tad'u bina'an ala hawa'ik. Tu ne viendras pas appeler les gens te basant sur ta passion. Là, tu viens les appeler conformément à la da'wa que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait. Que les messagers ont fait? Les messagers ont commencé par quoi? Tawhid. Alors, ibda bima bada bihi nabiyyun. Commence avec ce que les messagers ont commencé. Il dit à la scène de cela. Tu ne viendras pas dire comme les hizbiyyun, ils font dire non, mais vous savez, tawhid, tawhid, tawhid, ça divise. Hein? On dit à l'un d'entre eux, est-ce qu'on ne va pas mettre dans des tawhid dans notre mosquée ici? Il dit non, ça fait fuir les gens. Yaqulu an nafsihi annahu sunni. Il dit qu'il est sunni, mais il dit dawa de tawhid va faire fuir les gens. Il a mal d'ailleurs dans Isa. À quoi il appelle? Il appelle à quoi? Il dit à l'am yadou, il est tawhid. S'il n'appelle pas au tawhid, il a mal d'ailleurs. Il appelle à quoi? Non? Non. Ici, la da'wa des gens au tawhid, c'est Farlou qui parle. Toyib, s'il y a d'autres qui le font déjà, que lui peut donner deux choses, là, Ishka. Toyib, mais s'il doit faire la da'wa, il base sa da'wa sur le tawhid. Il ne va pas dire parce que les autres sont en train d'appeler dans les autres mosquées, dans son endroit, lui il appelle au tawhid. Il base sa da'wa sur cela. Toyib, nasallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, le chef dit, partant de cette deuxième condition qui est que la dawa doit se faire conformément, ça va, à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le chef Abdus Salam, il dit, kulna, nous dirons maintenant, inna wasa'ila da'wa ila Allah tawqifiyya. Les moyens qu'on utilise pour faire la dawa, ce sont les moyens stationnés sur les tests. Tawqifiyya, c'est-à-dire stationné. Bimana tatawakaf hatta tajib dalilan à la kefiyya te dawa. Tu t'arrêtes jusqu'à ce que tu trouves une preuve. Comment je dois faire la dawa? Ça, c'est important. Tu ne te lèves pas pour faire la dawa comme tu veux. Tawqifiyya, yani yuqaf à la dalil. Ça s'arrête sur la preuve. C'est compris? La yustahdasu fiha shay. On n'innove rien dans les wasa'il dawa. Lam yakun alayhi rasulullah. Ce dont le prophète alayhi sallam n'était pas dessus. Walizalika ishtadda nakiru salaf. C'est pour cela que les salaf ont intensément déprécié ala ahli sama. Les gens qui écoutent les qasa'id et qui disent que yalin au qalb. Alladina kana yafalu soufiya. ce que les Soufis font. Ils appellent cela les Majalis Samaa. Ils viennent avec un poète, Al-Qasidin, ou bien ils viennent avec quelqu'un, ils s'asseyent, et puis la personne commence à dire, commence à chanter. Maintenant, il y a des gens qui sont là qui ne connaissent pas grand chose. Mais dans cette assise, ils vont commencer à aimer Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses chants, ses poésies. Donc les salaf ont déprécié cela. Hatta yakulu Imam Ahmad an rajul. L'imam Ahmad dit au sujet d'une personne, kana yad'u an-nas 'ala al-qasa'id. Il appelait les gens avec les qasida. Hatta il allait parmi des voleurs. Et il a commencé à chanter les qasida, les qasida, les qasida. Et ces voleurs-là ont délaissé le vol. Les gens disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama zukra l'imam Ahmad. Lorsque cela a été mentionné à l'imam Ahmad, il n'a pas dit, comme tu verras les gens aujourd'hui qui vont dire, ah, mais le résultat est bon. N'est-ce pas? Le résultat, c'est qu'ils se sont convertis, ils ont laissé. N'est-ce pas? L'imam Ahmad dit, innahu muqtadir. Il dit, les novateurs. La karam. Parce que, wasa'ilu da'wa ta'u. Les moyens de la dawa, c'est taqifiyya. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'un compagnon allait s'arrêter devant les gens pour chanter? Rasoul n'est pas dit s'arrêter devant les gens pour chanter, pour que les gens se convertissent à l'islam. Donc voilà pourquoi les salaf ont déprécié cela. Voilà, ok, nassama mujarradan. Maintenant, si cette écoute-là, même si c'est simple, mujarradan an alatil muharrama, c'est-à-dire, c'est pas avec des instruments interdits de musique, qu'Allah, tel que les instruments de musique, même si la personne vient simplement, il chante comme ça, sans instrument, comme on voit les anachides. Dans les anachides, même, il y a des instruments en bas. Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah. Ok, après ça, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit croire, parce que toi, tu as chanté, ou bien tu dois nous donner d'as. Tu dois nous enseigner le tawhid. Mais les gens vont dire, non, mais tu sais, les anachides là, ça rend le cœur mou. Quand j'écoute, ça me fait aimer le Coran. Hein? Et tu entends les voix en bas. Hein? Allahu Musta. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, il faut comprendre cela, même s'il n'y a pas d'instrument de musique. Comme l'a dit le Cheikh Abdus Salam ici. Même si cette écoute-là, c'est profitable, l'italien coulou pour amollir le cœur, pour rendre le cœur douce. Hein? Nous, on ne va pas l'accepter parce qu'il n'y a pas un témoin. Il n'y a pas une preuve. Dans le livre d'Allah, wala fi sunna, ni dans la sunna, ça va? Wala fi fi'l salaf al-umma, ni dans l'action de nos salaf, les pieux prédécesseurs. De cela, on voit, parmi les moyens de la dawa que les gens utilisent aujourd'hui, les sketchs. Hein? Vous connaissez les sketchs comme les théâtres. Hein? Tu vois quelqu'un, il est assis, et puis il y a un qui vient, il gâte la prière. Devant lui, il fait exprès. Parce que ça, c'est du mensonge. C'est pas comme si Yani Ibtida'an, il est venu, il a gâté la prière devant tout le monde et puis l'autre l'a corrigé. Non. Il vient Yata'ammad Al-Khata. Il fait exprès pour faire l'erreur. Maintenant, dans la vidéo, maintenant, il y a un autre qui va l'appeler, il va dire non, tu sais, le professeur Al-Sem, il a dit, le professeur Al-Sem, il a dit non. Faudrait pas que tu fasses comme ça et puis on coupe la vidéo. Ça, c'est un moyen de dawa. Théâtre. Sketch. Ça, c'est un moyen de la dawa. Wasa ilu dawa taw peifiya. Hein? Les gens de Diallo. Kalanouze. Donc, ça, on appelle ça des sketchs. Des théâtres. Toi, Adama est douce. C'est pas permis. Parce que même quelque part, il y a du mensonge dedans. Et puis aussi, ta'ammud, Faire exprès pour faire une erreur dans la prière, ça peut même rentrer dans le couple, dans l'istihza. C'est compris? Donc c'est de faire très attention à cela. Alors ici, وَلِذَلِكَ يَقُولُ الشَّيْخُ الْإِسْلَامِ بُنْتَيْمِيَا. C'est pour cela que le Cheikh d'Islam Muntemia dit dans Majmou' al-Fatawa, à Juz al-Hadi Ashara, le volume 11, il dit Fa'amma sama al-Qasidina. Quant à écouter les poètes, les salah al-Kuloubi, pour la réforme de cœur, Filishtima, dans les rassemblements à la Zalik, si cela, Ay al-Ladina yashtami'una ala sama al-Qasidina bihala. C'est-à-dire ceux qui vont s'asseoir pour écouter les poètes à l'ishtima, bihad al-ishtima isla kulubim, voulant par ce rassemblement réformer leur cœur, wa taskiyat nufusihim, et purifier leurs âmes, imma nashidul mujarrad, soit c'est des chants simples, yani laysa ma'ahu alat lahu, il n'y a pas des instruments de musique, nazir al-ghubar, comme les semblables de les poussières. Comme ça, il a appelé. Qui veut dire, par exemple, ils font des chants, ils tapent les pieds au sol. Toyib, pour soulever cela. Imma betasfir, ou bien l'applaudissement. Wana huizalik, et autre que cela, fawa sama al-muhdas fil islam. Et les écoutes innovées en islam. Et les soufis, c'est ce qu'ils connaissent le plus. Toyib, ils ont commencé petit à petit, sama, sama, sama. Ils vont s'asseoir, ils écoutent un poète, ils chantent, et ils s'élèvent, ils disent, ah, mashallah, aujourd'hui, notre cœur, là, c'est un peu, hein. Mais, est-ce que ça va s'arrêter à ça? Non. Ils vont commencer à mettre de la musique, musique. Aujourd'hui, là, ils sautent dans les mosquées. Hein? Ils sautent, ils voient un vieux qui a du mal à marcher. Quand il arrive à la mosquée, il commence à sauter. Il dit, hey, ça c'est papa de qui? Il a en train de sauter. L'imam, Yakfir. Pourquoi il saute? Il bondit. Parce que, on lui a fait savoir que ça là, c'est une adoration. Il y a quelle différence entre et puis les chrétiens? Hein? Ali Bida. C'est ça qu'on appelle l'innovation. Quand on nous préserve l'innovation. فَإِنَّهُ أُحْدِثَ بَعْدَ ذَهَابِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ. Cela a été innové après le départ des trois meilleures générations. الَّذِينَ أَثْنَى عَلَيْهِمُ النَّبِي. Ce que le professeur Hassan a fait les rouges. Qu'est-ce qu'il a dit? خَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِ. La meilleure génération, c'est la génération dans laquelle j'ai été envoyé. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Ensuite ceux qui ont suivi. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Ensuite ceux qui ont suivi. وَقَدْ كَرِهَ أَعْيَانُ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَحْضُرُهُ أَكَابِرُ الْمَشَايِخِ. C'est-à-dire les têtes, les grandes têtes de la communauté ont détesté cela, c'est-à-dire les savants. Et même les grands mashayikh n'ont pas assisté à ce genre de choses. Et là, il y a cool, jusqu'à ce qu'ils disent à Cheikh Rahimahullah fi dhimni al-kalam à la samaï hada. Dans la conduite de la parole sur l'écoute, il a dit wabil jumla. Dans l'ensemble, fa'ala al-mu'min an ya'lama anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yatruk shay'an yuqarribu ila al-janna illa wa qad haddatha bih. Il dit le croyant doit savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé qui nous rapproche du paradis sans qu'il ait dit cela. N'est-ce pas? Les sahaba, qu'est-ce qu'ils disaient? Wala ta'ir yatiru bijanahi fi sama. Pas même un oiseau qui voit dans les cieux. Sauf que le professeur nous a dit, s'il y avait une chienne dedans, il nous a dit ce qu'implique cela. Hatta dukhul al-khira. Même rentrer dans le WC, comment s'asseoir? Il nous a expliqué tout ça. Alors, est-ce que aller écouter les samas, aller chanter, écouter les anachides, ou bien essayer de chanter le Coran. Tu vois, il y a certains lecteurs même qui sont rentrés dans la chanson du Coran. Pour que les gens écoutent. Et ils disent que c'est un wasila de la da'wa. Vous ne trouverez pas ça chez les salafis. Les savants salafis. les salafiyoun là, vous trouvez cela chez les hizbiyoun, les ikhwan, hein, et leurs différents démembrements. Tu trouveras ça chez eux. Yukodimoun al-anashi. Ils devancent les anashi, les chants musulmans, les chants. Hein? Il dit non, mais la chanson n'est pas interdite en islam. Et il va se baser sur Qawl al-Shaz d'Ibn Hazm. Et il dit non, qu'Ibn Hazm dit que la musique est permise. Le hadith du prophète Al-Hassan n'est-il pas clair? On est obligé de suivre la parole d'Ibn Hazm. Hakala Ahlul Bida. Les gens de l'innovation, ils restent la plus claire et vont s'approcher sur la parole d'un savant qui n'a pas appuyé sa parole par les preuves. Adama Yajouz, ce n'est pas permis. Les anachis, les chants que vous voyez, haramun fidin in islam, ce n'est pas permis. Ah. N'essayons pas de faire des tawhid. Non, il n'y a pas de musique en bas. Mais le maqsoud, c'est quoi? C'est d'attirer les gens à l'islam. Est-ce que les wassal de la dawa ne sont pas tawqifiyya? Donc vous verrez que c'est les salafis qui appellent à la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé. C'est ce que le cheikh veut nous interpeller ici dessus. Parce que si on se base sur la parole d'Abdurrahman ibn Qasim, qu'est-ce qu'il a dit? La dawa s'est fait avec ikhlas et puis muwafaqa à la sunna. Si tu n'as pas fait sur l'ikhlas, takunu mushrika. Maintenant, si tu n'as pas fait si mutaba takunu mubtadi'a. Donc toute personne qui va délaisser la wasila authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, ses compagnons, ceux qui ont suivi les a'immatul huda, qui va délaisser tout cela, sa da'wa est une da'wa muhdasa. Une da'wa innovatrice. Voilà pourquoi il faut démarquer la da'wa tout salafiyya qui est pure des autres da'wa qui sont innovées. La seule da'wa qui est basée sur la science, sur la mise en pratique, sur le suivisme, sur la manière authentique de faire, comme le prophète l'a dit, Hadi sabili, ad'u ilallah, ala basiratin, c'est la da'wa du salafi. C'est la seule da'wa. Quand nous avons la compréhension. Alors le cheikh islam Moutemia, il dit, il continue, wa la shay'an yub'id 'anil nari. Et il n'a pas laissé quelque chose qui éloigne de l'enfer, il l'a waqad haddatha bihi, sans qu'il ne dit, wa anna hadha samaa. Écoutez bien la parole du Cheikh. Il dit cette écoute-là, ces chansons qu'on écoute, la ukaina maslahatan, si c'était un bien, la shara'ahu Allah wa rasuluhu. Allahu Akbar. Allah allait légiférer, ainsi que son messager, fa'innallah yakul ka'ala di al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islama dinan. Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parfait sur vous mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous aujourd'hui comme religion. Wa iza wujida fihi manfa'atun li qalbihi. S'il trouve s'il trouve un intérêt dans ses chants pour son cœur, mais il n'a pas trouvé de preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, il ne doit pas tourner le regard vers cela. Kalamun Jamil, même si tu dis, non mais, Akhi, sincèrement, quand j'écoute ces choses-là, vraiment, ça apaise mon cœur. Oui. Ok. Comment tu sauras que cela a réellement un profit sur ton cœur? Même si, de manière apparente, tu penses que c'est un profit sur ton cœur, mais tu n'as pas trouvé d'argument dans le Coran, ni dans la Sunna, alors tu ne dois pas tourner le regard vers cela. Parce que le shaitan, Allah nous a informé dans le Coran. Allah dit wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Le shaitan peut embellir ton action. Tu as déjà vu un mubtadi qui dit qu'il est sur l'erreur. Il te dit tout ce qu'il est sur la sunna, c'est les sunnites qui n'ont pas compris. Sinon, ils sont sur la bonne voie. C'est les autres qui n'ont pas compris. Parce que le shaitan les embellit leur action. طيب كلام ذا قال كومبرنسيون هذا كلامه رحمه الله voici la parole de Cheikh Islam Moutimia. Maintenant le Cheikh Abdou Salam il dit wa fi qawlihi dans sa parole wa idha wujida fihi manfa'atun aw wajada fihi manfa'atun li qalbihi ila قال سهل ابن عبد الله التستري سهل ابن عبد الله التستري il dit كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة والوجد سي سي expérience spirituelle طيب qui a quoi des sentiments spirituels tu vois les soufis il faut les askar les askar les ils ont des sensations هذا يسمى وجد والذوق ça va كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة toute expérience spirituelle dont qui n'est pas venue dans le Coran ni dans la Sunna, fawa batil, c'est caduque. Voyez, onzor as-soufiya, regardez les soufis qui sont restés dans l'éducation devenus des intellectuels. Chaque fois je dis l'expérience spirituelle, la spiritualité, telle chose, ils sont en train de t'embrouiller. Spiritualité se trouve où ça? Dans le Coran et puis dans la Sunna. Mais c'est une dimension qu'on ne peut pas comprendre. C'est toi qui ne comprends pas. Sinon, nous on comprend le Coran, la Sunna. Le Coran, la Sunna est descendu sur nous pour qu'on comprenne. Ou bien, et Rasoul Sallallahu nous a expliqué, mais c'est une dimension qui est avec des mots que les gens, ceux-mêmes qui les écoutent même, essaient de comprendre, mais ils vont aller regarder dans le dictionnaire pour pouvoir comprendre. Hein? Avec ces gens de mots-là, comme Tariq Ramadan et ses consorts. Hein? C'est comme ça. Il faut voyager les gens alors que le Coran, il est là tout près. La Sunna est là tout près, mais ils te font voyager dans autre dimension. Et tout cela, il se base sur les questions de spiritualité, spiritualité, spiritualité, spiritualité. Où est la spiritualité? Où est cette spiritualité-là? Azawq wal-wajd fil kitab wa sunna. Si on ne trouve pas cela là-bas, on va trouver où? Dans le Coran et dans la Sunna. Si on ne trouve pas là-bas, on trouve où ça? Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, il dit wa qala darani innahu latalimu qalbi an-nukta min nukati al-qawm. Allahu Akbar. Il dit mon cœur. Il arrive que mon cœur soit ramolli par une intuition parmi ceux de ces gens-là. C'est-à-dire quand il va s'asseoir à côté d'eux et ils font leurs chants, leurs trucs. Il arrive que cela ramollit son cœur. Mais il dit, Fala akbaluha, je n'accepte pas illa bishahideini adlay. Sauf avec deux témoins équitables, qui est Al-Kitabu wa Sunna. Le Coran et la Sunna. Quels que soient les sentiments que tu vas sentir, sentiments, intuitions, des bonnes choses dans ton cœur, Onzor fil Kitab wa Sunna. Si tu as trouvé cela, Alhamdulillah, ala aïni wa ras. Mais si tu n'as pas trouvé cela, fa'alam anna hada dhalal mubin. Sache que c'est un égarement. انتهى الموضوع. سكمبري؟ وفي قوله دس بارول لشيخ الإسلام ابن تيمية وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة. على ici le talik c'est cette parole qui est quoi? S'il trouve un bénéfice pour son cœur mais n'a pas trouvé d'argument dans le Coran et dans la Sunna concernant cela. Alors le Cheikh Abdou Salam dit Ablagu raddin ala man jawwaza at-tamthil. Il dit c'est une réplique forte sur celui qui a autorisé le tamthil, les représentations et on va dire les théâtres. Tout cela rentre là. Les sketches. Il dit li da'wati ila Allah, pour la da'wa à Allah. Il dit Ablagh Raddin. C'est une forte réplique. On peut dire même la plus forte réplique, parce que c'est Ibn Tamthil. Suis celui qui autorise le tamthil dans la da'wa, les représentations et puis les sketchs ou les théâtres dans la da'wa. Pourquoi? Parce que même s'il y a un bénéfice et qu'on n'a pas eu d'argument dans le Coran ni dans la Sunna, c'est quoi? C'est batil. N'est-ce pas? لأن فيه منفعة كان ces choses-là il y a le bénéfice, il y a un bénéfice. ولأن القلوب تلين car les cœurs s'adoucissent إذا سمعت إليه si le cœur écoute وشاهد مناظرة et voit ce qui se fait. فلذلك نقول pour cela nous disons يجب أن تكون وسائل الدعوة التوقيفية. C'est obligatoire que les moyens de la da'wa soient stationnés sur les preuves. لا يشرع فيها إلا ما كان عليه رسول الله. Alors, rien n'est légiféré dans les moyens de la dawa sauf ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa sahabati al-kiram et ses nobles compagnons. Intaha. Alors ici, voici le troisième fondement. Voyez.